Bien, alors nous avons appris le mot pour dire maman ou mère. Donc il est important, je suppose, que nous apprenions également à dire le mot père ou papa. Donc qui se dira Papa, pa, doigt noir pointé vers le sol, papa, point fermé pour le second, pa, papa, pour dire père. Hein, qui s'écrit B-A-B-A en pinyin, donc doigt noir pointé vers le sol, puis point fermé. Comment dites-vous père? Papa. Excuse-moi, où est ton père? Qing Wen, ni, ni de papa, zai na? Comment dit-on excuse-moi? Qing Wen. Bien, qing Wen. Et comment dites-vous tu? Ni. Attention, c'est ni avec le V rouge de la victoire. Excuse-moi, où est ton père? Qing Wen. Ni de papa, zai na? Le mot savoir ou connaître se dit en chinois. Zhi dao. Zhi. Pousse vers coucher. Zhi dao. Dao. Doigt noir pointé vers le sol. Zhi dao. Pour dire connaître. Hein, ça fait comme les Jedi de la guerre des étoiles. Zhi dao. Connaissez-vous les Jedi? Zhi dao. Donc, comment dites-vous connaître? Zhi dao. Est-ce connaître dans le sens de savoir quelque chose ou de connaître quelqu'un? Nous pouvons savoir quelque chose, mais aussi connaître quelque chose ou bien connaître quelqu'un. Hein, ça couvre toutes les possibilités. Donc, vous pouvez connaître l'existence d'une personne, savoir des choses sur une personne. Si quelqu'un vous dit « Savez-vous cela et cela ?» ou « Connaissez-vous celui-là ?» vous pouvez répondre « Je sais » ou « Je le connais ». "我知道." Cela veut dire « Je sais des choses sur lui ». Il est employé de manière très diverse. Pour dire « Je le connais », vous pouvez utiliser ce « connaître » dans ce cas. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, je sais des choses à son sujet. Mais je le connais. Je le connais se dit très souvent. 我知道他. C'est juste. 我知道他. Et c'est du très bon chinois familier. Vous connaissez sûrement l'histoire des chevaliers Jedi qui se battent pour un monde meilleur dans les étoiles. Alors, je ne connais pas. Je ne connais pas. Attention à la prononciation de bu. C'est 我不知道. Maintenant, traduisez la question. Tu ne connais pas? Ni bu zhi dao ma. Comment dites-vous connaître? Zhi dao. Zhi. Zhi. Dao. Dao. Zhi dao. Oui. Tu ne connais pas? Ni bu zhi dao ma? Et vous répondez, c'est juste, c'est vrai. Cuo, non, c'est faux. Il est doué. Bien joué. Exactement. L'école est un vrai plaisir pour lui parce que c'est un élève doué. Alors, comment dites-vous juste, exact? Doué. Comment dites-vous ce n'est pas juste? Ou non. Cuo. Et comment dites-vous cela avec le mot juste? Bu dui. Encore une fois, comment dites-vous ce n'est pas juste? Bu dui. Il faut dire bu dui avec le trampoline. Bu dui. C'est ça. On utilise le trampoline ici. 不对. Ce qui signifie pas juste ou pas vrai. Oui, c'est ça. Donc, je me tourne vers ma collègue. Comment est-ce qu'on dit ça? 不对.